Et voici un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication. Ils reviennent. Ils sont prêts. Après 2 mois de vacances. Après une tournée triomphale de Maurice sur les plages. Mais quand est-ce que je raconte mes blagues ? Le retour de l'ancêtre de la FM, Bob du Club et tout le reste de l'équipe. Avec, à la baguette, Philippe Bello. C'est maintenant le retour d'On va se marrer sur Radio Plus. Antenne 2 secondes. On va se marrer. Pendant 2 heures. Viens, on se casse, nous on reste pas. Nous on est le reste de l'équipe, alors on se tire. Allez, mais non, mais c'est les restes. Idiot. Pauvre conne. Et ah bah, ça commence bien. Oh dis donc. Oh, on va se marrer. Le retour. Je rapproche le micro. Alors on va se marrer pendant 2 heures avec autour de la table, à ma droite. Monsieur Vodka de la station, c'est la Vodka de la station. Chin chin. Gérard. Il a envie de 2 bouteilles quand même. Sans modération. À côté de lui, il a triomphé. Il a triomphé tout l'été à la petite loge. Et là, donc il y a une nouvelle scène qui démarre bientôt. Oui. Au Comic Hall dans le 19e arrondissement. C'est Frédéric Coster. Ouais. Bravo. Et c'est un nouveau spectacle, Fred, ou pas? Non, c'est toujours le même, qui s'appelle le Comic Out. Alors, avec nous également, l'ancêtre de la FM, il a été annoncé, oui. Bob du Club. Ah, bravo! Alors, j'ai tellement jeune. Moi, j'ai merci, appris un truc. J'ai passé de bonnes vacances. J'ai appris un truc quand même, Philippe, que tu ne savais pas. Ah! C'est que Bob du Club a donné des cours de radio. Ah oui. Et un de ses élèves, quand même, le plus jeune, c'était Zappy Max. Oui, mais là, personne connaît Zappy Max, à part nous deux. Non, à part toi, Bob. Bon, j'aurais pu dire Philippe Bouvard, alors. Et enfin, pour l'équipe donc habituelle de l'émission, vous l'attendez, puisque bien sûr, il y a sa fabuleuse blague du clocher qui continue à tourner, qui fait sa 2e saison. Ah. Maurice. Bonsoir. Pour bien commencer la rentrée, on a fait fort, puisque nous avons une invitée extraordinaire. Fabuleuse. Ouh là, la pression. Bah, je vais vous laisser. C'est qui? C'est non, belle, intelligente. Bah, oui, on est à la radio en même temps. Vas-y, je suis canon. 1m80, blonde, les yeux bleus. C'est Christine Bérou. Ah, bonsoir. Et non pas Christine Lagarde. Ah, oh bah non, elle est beaucoup plus jolie que Christine Lagarde. Elle est plus jeune. Et Christine Bérou, rien à voir avec François. Ça s'écrit pas pareil, je non, crois. Non, ça s'écrit pas pareil. Puis tu fais plus de monde à tes spectacles hein, que lui à ses meetings. Et surtout, elle ne vient pas en tracteur, elle. Merci, pourquoi, Maurice. Pourquoi, alors celle-là, elle est bonne. J'ai pas compris cette blague. Alors Christine, tu joues actuellement? Je joue au Pronzo, c'est sur les grands boulevards, boulevard Bonne Nouvelle, très précisément. Voilà, tous les dimanches soirs à 19h. Ah, et le spectacle s'intitule comment? Christine Bérou à nu. Déjà, Bob. Ah bah déjà Bob, ça va l'intéresser. Bob, ça va l'intéresser, il va Christine Bérou à nu. Mais je vais vous interrompre parce qu'on attend encore un animateur qui est toujours en retard, c'est Manu. Ah eh bah. Le problème de Manu, c'est qu'il change tellement souvent de femme qu'elle le retarde. Bonsoir tout le monde. Alors Manu, on te présente Christine, qui est notre invitée d'honneur ce soir. Enchanté, Manu. Donc Manu est un ancien animateur de la station, puisqu'on l'a connu tout petit à l'époque. Ah, oui. Même que j'ai revu une vidéo il y a pas longtemps où tu avais des cheveux. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Oui, alors les vidéos qui tournent sur Internet, c'est comme les sons, parce que je sais pas si t'as regardé t'as écouté sur Internet, sur ton Facebook, mais cette semaine, on t'a mis une blague de Maurice. Ah oui. Non, Christine, c'est à toi que je parle. Ah d'accord, parce que... Je me demandais que tu regardes. Alors, on m'a mis une blague de Maurice sur mon Facebook. Oui, elle est suivie par Bob. Pas mais en regardant. Oui. Oui, c'est ça. Je suis un peu sous le charme de Manu, parce que vous pouvez pas le voir. Vous écoutez la radio, mais Manu, c'est un petit peu Georges Clooney, mais en français, en fait. Oui. Heureusement, c'est de la radio. En fait. Alors, comment dire? Oui, Manu. Non, pas Manu. Christine. Donc, la blague de Maurice qui est sur ton Facebook. Oui. Pour bien commencer la rentrée, je pense qu'on peut l'écouter car nous l'avons dans nos archives. C'est la fabuleuse blague du clocher. Du clocher, Maurice. Bien sûr. Et savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Oui. Le public le sait, mais j'attends. La différence entre un i et un clocher? Oui. Non. Alors le i est une voyelle, oui. Et le clocher, C'est là où consonne. Il a réussi à le foirer. Ça fait une semaine qu'il répète. Non, non. Cet après-midi, il l'a fait à tout le monde à la station. Il a dit au moins 10 personnes. Moi, je propose. Non, c'est pas possible. Non, refais-la parce qu'on la refait. Voilà, moi, je propose qu'on la refasse. Allez, attends, on fera les surprises. Attendez. Alors, oui. Maurice, une petite blague. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, une petite blague. De laquelle? Celle du clocher. Allez, une autre. Non, celle. Le clocher. Allez. Savez-vous quelle est la différence entre la lettre I et un clocher? Non. Le I, c'est une voyelle. Oui. Le clocher est une consonne. Mais non, c'est la consonne. Je la sais par cœur. Non, si tu la savais pas. Le clocher. De toute façon, on ne rend pas l'antenne tant que tu l'as pas réussi. Alors, Maurice, une petite blague. Alors, le I. Mais quel le I? Non, il est blague depuis le début. Savez-vous quelle est la différence? Oui. Entre un I et le clocher. Non. Et un clocher. Ah non. Non. Moins. Non. Alors. Le I, c'est une voyelle. Oui. Le clocher, c'est la consonne. Mais attends, excuse-moi. Elle est con. Elle est con, cette histoire. Bon alors, Christine, on te l'a mis sur ton Facebook. Hein. Ah oui, c'est marrant, oui, ça m'a pas marqué. Ah bah c'est dommage. Voilà, merci. Non mais c'est bien quand même raconter des. C'est un talent de raconter des blagues, Maurice. Alors vas-y, raconte-nous la première blague de la saison, Maurice. Voilà, bon alors ça, je vais. Un petit garçon demande à son père: papa, combien ça coûte pour se marier? Et le père répond: je ne sais pas, je sais encore. Ça sera celle de la saison, c'est celle-là. Ça sera attends, vas-y, refais-la, Maurice. Attends, on va te la relancer. Maurice, une petite blague? Alors, la première de la saison. Oui. On va couper au montage. Hein. Bien sûr, évidemment. On a que ça à foutre. Je compte sur eux, tu vois. Les salauds. Tu vois. Un petit garçon demande à son père: papa, combien ça coûte pour se marier? Et le père répond: je ne sais pas, je suis encore en train de payer. Ah, bravo! Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec Christine Bérou. Deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Retour, on va se marrer jusqu'à 22h le mercredi et le dimanche. Il n'y a plus de sponsor. De 10h à 12h. De 10h à 12h le dimanche, oui. En rediffusion. Et ce soir, notre invité d'honneur, c'est Christine Bérou. Oui. Bonsoir. Et son spectacle, on aura un petit extrait du spectacle ou pas ce soir? Oui, bien sûr, évidemment, avec plaisir. Ah, alors dans l'émission, il y a des questions et il y a des épreuves. Et il y a une épreuve qui s'appelle... Cette émission est déjà une épreuve. Il y a une épreuve qui s'appelle Deviner... Oh, déjà, dès le début. Ah bah oui, là, c'est pour se mettre en jambes. Deviner, c'est gagner. Alors c'est facile, pendant la pause musicale, j'ai marqué des mots sur des bouts de papier, voilà, tout simplement, hein, des petits mots très simples, très gentils. Et le but du jeu, on va faire deux... Très simple et très gentil. Ben oui, bien sûr. Et le but du jeu, donc pour ce jeu, on fait deux équipes. Une équipe avec Christine, Frédéric et Gégé. Je peux pas changer d'équipe. Tu connais le chemin pour retourner au RER? Elle voudrait être avec Maurice. Oui. Et une deuxième équipe, et là c'est du lourd, avec c'est vrai qu'ils sont lourds. Tu sais ce qu'il dit, lourd. Avec Manu, Bob et Maurice. Chacun votre tour, je vais vous faire tirer au sort un mot. Par exemple, Maurice. Oui. Tu connais Maurice, l'ancien jeu Pyramide. Tire un mot, voilà. Oui. Ben voilà. Ne le montre absolument pas à ses partenaires et va donc essayer, en donnant des synonymes ou en aidant... En donnant un seul mot à la fois... Ça, c'est pas facile. Voilà, de faire deviner ce mot. Le but du jeu, c'est que vous, équipe adverse, vous le trouviez avant son équipe. Alors, j'y vais. Vas-y, Maurice. On t'attend. Gaz. Électricité. Lumière. Paix. Courant. Flamme. Néon. Bravo. Oh, eh oui. Et donc, c'est Gérard qui trouve. Bravo, Gérard. Un point pour l'équipe Gérard. C'est ça, la question. On va trouver un nom d'équipe, quand même. Voilà. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nom ? On est les Warriors, d'accord. D'accord. Merci. Et pour l'équipe de Maurice ? Les papis. Les retraités. Les losers. Les retraités. Alors, ah, les losers. Les un point les pour les Warriors, zéro pour les retraités. GG. Je suis un jeune retraité, moi. C'est moi ? Je sais pas. ça peut être un condiment. Non, mais un seul mot à la fois. Oui. Mais... Ah, condiment. Bon, condiment, cornichon. Poivre. Cornichon. Clou de girofle. Concombre. Non. Change de registre. Orge. Je pense que Maurice va trouver plus facilement si tu dis autre chose. Maurice, si tu te rapproches encore plus près du micro, tu le manges. Maurice, cul, ça te fait penser à quoi? Ah, cul et condiment, je n'ose comprendre. Carotte. Ah. Ça, c'est un légume, la carotte. Oui. Un condiment, Maurice. Alors, un autre mot, alors peut-être. Salsifi. Piment. Non. On va connaître toute la vie sexuelle de Maurice. Ça va être vite fait. Échalote. Fred, oignon. Échalote, oignon. Ah, mais oui. Mais Bob l'a dit. Hein. Oui, Bob, ouais, l'a, voilà, Bob voilà, l'a dit. Voilà. Ça fait déjà une heure. Bon, ah, je comprends pas le cul alors. L'oignon. Alors attends, on va t'expliquer. Le cul, c'est l'oignon. Comme ils ne comprennent que ça. Demande à Bob. Demande à Bob, il va t'expliquer. Donc, un point partout. Yes. Ex aequo. Allez, Bob, un petit. Attends, parce qu'il y en a... Ah oui, non, mais c'est bien. Non, là, c'est bien joué. Bob, un petit mot quand même. Carburateur. Essence. Moteur. Échappement. Énergie. Deux dixièmes. Tu peux baisser ton doigt. Filtre à air. Trou. Ça c'est plus le. C'est oui, plus t'as raison. Échappement. Carburateur. Piston. Filtre. Pipe. Admission. Allez, voilà, donc pipe. Viel. Comment on appelle ça? Admission. C'est quoi, Maurice? J'ai GG. Les trucs là, quand tu casses, c'est le moteur. Soupape. Ah bah non, c'est pas dans le carburateur, ma poule. Flotteur. Non. Mais j'ai pété un truc. Mais hé, Bob, si tu veux qu'il trouve, change, de, change de registre. Ah oui. Flotteur, attends. Coït. Culasse. Je suis choqué. Je ne joue plus. Oh là là. Essence. Diesel. Soupape. Carburant. Sinon, tu peux essayer de faire deviner en décomposant le mot. En charade. La première partie et la deuxième. C'est pas facile, hein. La première partie. Lui, il se marre parce qu'il connaît le mot, en fait. Ah, bah oui, excusez-moi. Bah oui, il connaît le mot. Allumage. Ah, non. Avant. Bougie. Non, mais carburateur. Cierge. Dent. Cierge. Cierge. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le cierge? On parlait des bougies. Dent. Carburateur. Dent, carburateur. Okay. Dans c'est le carburateur. La vie, c'est la vie, Maurice, c'est très branché. Il y a des clapets. C'est avant allumage. Ben oui, oui, oui. Batterie. Non, on va quand même pas faire la vie dessus. Hein. Oui, bah oui. Démarrage. Moi, à ta place, pour les aider, j'aurais dit masturbation. Explosion. Ah bon. Non. Branlette. Oui, ça existe dans la voiture, ça? Non. Enfin, si. De alors, dans la voiture. Alors attends, là, pour les aider, là, tu peux aider Fred si tu lui dis branleur. Ah bah oui. Gicleur. Manuel. Gicleur, excellent. Ah. Eh oui. Eh oui, exact. Et oui, dans les voitures à essence, on a un gicleur dans le carburateur. Alors, un mot pour Fred. Vous êtes prêts? Ouais. Ça va aller vite. Ah, ça va aller vite, là. Attention. Poisson. Morue. Ah non, bah non. Impressionnant, on sent que vous travaillez ensemble depuis longtemps. C'est vraiment la famille en face. Hein. Tu vois, tout de suite, il a pensé à toi, Morue. Ça, ça s'invente pas. Hein. Trois pour nous. Trois pour les Warriors. Un pour les retraités. Allez, un pour Manu. Tu es prêt? Oui, bah oui. Mousseline. Purée. Ah bah voilà. Tu remarqueras que depuis le début, Christine, oui. le choix des mots n'est pas du tout orienté quand même. Pas du tout. Je prends note. Alors, le dernier. J'adore aussi que vous êtes des garçons rapides. À la fin, ça, tu dois nous écrire un sketch avec tous les mots, en fait. Alors, Christine, comme ça, t'as vu comment ça se passait, tu vois. Tout à fait. Alors, attention, allez. Ça va aller vite. Aussi. Gicleur. Carburateur. Merguez. Saucisse. Saucisse. Chipolata. Bite. Oh. Non. Barbecue. Strasbourg. Maroc. Merguez. Mais t'as dit merguez. Non, c'était ton premier mot. Merguez. Maroc. Maroc. Tagine. Couscous. Couscous. Oui. Oh. Alors, résultat des courses, bien. C'est normal que ce soit l'équipe qui pédale dans la semoule qui ait trouvé ça. Moi aussi. 4 à 2. On s'est fait laminer. 2 points, Bob qui a horreur de perdre. Tu remarqueras, Manu, que vous vous êtes fait laminer alors que d'habitude, Bob se fait laminer. Pas. Moi aussi. Moi, je suis très contente d'avoir. D'avoir regardé mon équipe. D'ailleurs, je l'aimais beaucoup dès le début. Voilà. Je tiens à le dire. Oh, arrête de retourner ta veste. Ouais, voilà. On se croit qu'à Fayotte. Moi, je m'appelle Bérou. Ah oui. Donc, ça va nous permettre, pour les auditeurs qui attendent ça, de lancer la première tournée de blagues. Est-ce que vous savez pourquoi on a incinéré Michael Jackson? Ah non. Pour qu'ils soient comme ça, on a fait fondre le plastique. On l'a pas incinéré. On a fait fondre le plastique, on a construit des Legos, comme ça les enfants peuvent continuer à jouer avec. N'applaudissez surtout pas. N'applaudissez pas ça. Non, c'est vraiment mauvais. C'est alors, vraiment donc, mauvais. Je prends. Hein. Oui, ça, moi j'en ai une autre. Oui, ta gueule. L'amiral a parlé. J'aurais une réclamation à faire après. Vas-y, GG. Vous auriez dû la piquer. Alors, c'est une assistante. Justement, on rentre de vacances. Une assistante de direction demande à sa collègue. Mais à part faire du stop pendant tes vacances, t'as fait autre chose? Non, non, que du stop. Passionnant. Oui, j'ai sucé un mec pendant 12 heures sans qu'il ne débande. Oh, t'es forte, je te raconte pas. Bien entendu, c'était un noir. Ce qui était bizarre, c'est que sur le gland de son sexe, il y avait écrit 1, 2, 3, 4, 5, R. Oh. D'accord. Il faut être bon, il faut que j'explique à Christine, il faut être bon en mime ici pour expliquer les chutes à Bob. Oui. Rappelez-moi l'heure qu'il est. Moi, j'ai pas le mauvais esprit. C'est l'heure de la messe. Ah, voilà, c'est ça. Christine, ça va être à toi pour la blague. Tout à fait. Alors, quel signe devinette? Quel est le point commun entre la Thaïlande en 2004, Jean-Luc Godard et François Truffaut? En 2004, c'est important ça. Oui, ouais. C'est le tsunami. C'est la nouvelle vague. Oh, bravo. Bravo. Quelle peine encourt-on pour bigamie? Bah, d'avoir deux femmes. Hein. Non. Déjà, c'est une peine. Deux pensions alimentaires. Non, il y a pire que deux femmes. Il y a trois femmes. Non, il y a deux belles-mères. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai une petite devinette pour vous. Ah. Alors, pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me redresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Qui suis-je? Les bas de ta femme. Qui suis-je? Un zizi. Oui, on passera. Non, pas du tout. Vous voulez un indice? Ça, c'était le piège. Alors, pour éviter de mettre des gouttes partout, il faut me secouer avant de me ranger. Le fer à repasser. Non. Bon, vous êtes nul. Hein. Oui. Répète la dernière, là. Alors, pour éviter de mettre des gouttes partout, il faut secouer et me ranger. Le parapluie. Le parapluie, excellent. Oh. On voit la seule qui ne pense pas à mal autour de la table. Exactement. Pour l'instant, vous allez peut-être me pervertir. Hein. Oh. Tu avais une réclamation, Maurice? Oui, ouais. J'ai une réclamation parce que, bon... Comme ah, attends, on va faire un petit jingle. La réclamation de Maurice. Eh bien, j'étais en vacances tout l'été où j'ai écouté Radio Plus sur mes lieux de vacances. Oui. Mais ce qui m'a inquiété, il y a une voix que je n'entends plus sur les antennes. Sur les antennes de? De Radio Plus. Ah bon? La voix de Régis. Oh. Ah! Non, enfin, il est à l'autre bout de la bande FM. Mais parce qu'il est plus sur la même. Il a changé de station, Maurice. Ah bon? Il est où maintenant? Il est en tôle. Il est sur une autre radio. Et on ne me prévient pas? On revient dans quelques instants avec un extrait du spectacle de Christine Béroux. Attention, restez avec nous, à tout de suite! Public. C'était les rappels. Antenne, deux secondes. On va se marrer. On va se marrer. Pendant deux heures. En

Bah oui, donc forcément, ça voudrait dire que des mythes de l'histoire comme César, Napoléon ou Lolo Ferrari soient encore parmi nous aujourd'hui. Lolo Ferrari, ouais, que son esprit repose en paix. Ah non, c'est vrai, elle en avait pas. Vous imaginez Marie-Antoinette qui serait de retour parmi nous et qui chercherait du travail. Bonjour, alors voilà mon CV. Bon, je vous cache pas qu'au 18e, j'ai un petit peu déconné, hein. Mais je suis la candidate idéale pour ce poste de trésorière. Non, j'ai pas de nouvelles de Louis, non. Mais je le soupçonne d'être Stéphane Bern et de pas vouloir nous le dire. Non, je suis désolée de vous avoir parlé de la mort. Est-ce que, bah, pour réparer, il y en a un parmi vous qui voudrait un câlin? D'accord, non, mais vous battez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il y a un proverbe chinois qui dit « Il n'y a qu'au flunch qu'on mélange le riz et les frites ». Cela dit... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Et cela dit, il y a quand même des artistes qui sont extrêmement généreux avec leur public. Il n'y a pas seulement Frédéric Koster. Il n'y a pas très longtemps, je lisais une interview de Bernard Werber et il disait « Me lire, c'est comme faire l'amour avec moi ». Non, je sais pas, il aurait pu prévenir, je me serais épilée. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote, c'est que figurez-vous que Bernard Werber a entendu dire que je parlais de lui dans mon spectacle, et un jour il est venu, ouais, je vous jure, c'est vrai, il était là, juste en face de moi, et ce soir-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait une blague sur Georges Clooney? Alors depuis, moi je cherchais à entrer en contact avec un autre écrivain, qui s'appelle Nicolas Rey. Donc pareil, il faudrait que je fasse une petite blague. Mais attaquer les gens sur leur nom de famille, c'est un petit peu facile quand même, je trouve. Non. Ce serait comme parler de sexe à la radio, parce que tout de suite, ça rend les gens vachement attentifs. Ça va les gens? Ouais. Alors, la sodomie. La sodomie est un mot beaucoup plus joli que l'activité qu'il nomine. Ah, c'est vrai, on dirait un mot japonais, vous trouvez pas? C'est un peu sodomie. Sodomie! Ça pourrait être un plat à base de poisson cru qu'on y croirait. Hein. Ça, on pourrait dire la sodomie, c'est comme les sushis, c'est bon quand c'est bien préparé. Merci! Christine Béroux, tous les dimanches soirs. À 19h, au théâtre Le Pronzo. Excellent. Un petit site internet peut-être pour retrouver ChristineBéroux.com. Ah, Béroux avec deux R. Avec BE2REU, même si. Mais trop bonne nouvelle, j'imagine. C'est ça. Ah, bah oui, non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous et qui n'ont pas de voiture. Oui, bah j'ai ça. Et il y a ceux qui se perdent. Ah, ça, je crois que c'est pour toi, Maurice. Tu te perds en voiture, Maurice? Non, parce que j'ai mon GPS, moi. Ah, on l'appelle le GPPS. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, Maurice n'a pas pu faire sa petite blague. Donc, voici la blague de rentrée de Maurice. Ah, merci de m'avoir prévenu. On peut pas avoir la blague de sortie, plutôt. Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel? L'intellectuel a le petit Larousse dans la tête et l'homosexuel a un gros Robert dans le cul. Eh ben, merci, celle-là, au moins, elle est faite. Au moins, ça relève le niveau. Voilà. Voilà. Oui. Après la candeur, la finesse, voilà. La finesse de Christine, voilà. Voilà, c'est la constatation. Bah, il est resté dans la thématique de la sodomie, quand même. Ouais. Ah, voilà. Oui. On a 4 crises cardiaques annoncées. Alors, dans cette émission, je sais que Frédéric Koster nous prépare, quand il a le temps, des petits jeux. Alors, est-ce que tu nous as préparé un petit jeu ce soir? Alors, tu veux lequel? Sur les Beatles, non? Allez, sur les Beatles. Oh, les Beatles. Alors, il y a une compilation qui est sortie, qui est très très drôle, ouais. Qui reprend les chansons des Beatles, sorties en France. Non, là, il y a les Beatles remasterisés qui viennent de sortir. Ouais. Mais c'était sorti l'année dernière. Les Beatles chantés par des chanteurs français à l'époque des Yéyés. Cherche pas à regarder sur ma fiche, toi. Il y a plein de, donc à l'époque des Yéyés, dans les années 60, il y a plein de gens qui ont repris les chansons des Beatles. Ça a donné quelques trucs très bien. Ça a donné quelques trucs à mourir de rire. Je vous en ai sélectionné 2, 4, 6, il y en a 8. C'est en anglais? C'est en français. D'accord. C'est les chansons des Beatles en français. D'accord. Mais chantées par des chanteurs français? Par des chanteurs français. Il y en a quelques-uns. Vous avez trouvé des chanteurs? Des chanteurs français. De l'époque. Il y en a quelques-uns qui sont trouvables. Il y en a un ou deux qui sont introuvables. Oui. C'est pour la blague. Oui, parce qu'ils sont connus que d'eux. Non, et vous allez voir. Ça fait longtemps. Hein. Vous allez voir. Donc, comme d'habitude, je préviens pour Bob qui ne comprend jamais rien. La petite musique qu'il y a au début, c'est le jingle. Merci, Fred. Voilà. Alors, on y va. Nous avions tous le même âge. Quand un jour dans le village, si je peux faire quelque chose pour toi, vite écris-moi, je t'enverrai avec des bises de moi pour toi. Tu crois avoir perdu son amour à jamais. Hier moi je l'ai vu, c'est à toi qu'elle pensait. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. Quand ça les prend vraiment, les garçons sont fous. Et si je rentre aux heures indues, me bouderas-tu? Cette chanson débile. Seras-tu la même, celle que j'aime, dans 45 ans? Toi l'ami de mon 20 ans, demain tu t'en iras. Sous-marin vert, vert comme la mer, tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus, prévoyant des jours de fête. Bon, il y en a neuf. Ah, bon, chez vous, vous avez joué aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est que le temps que tout le monde se mette d'accord, avant d'avoir la réponse, ben, c'est forcément de faire une pause. Ben oui, on est à la radio, c'est comme ça. Allez, Maurice, tu peux rendre l'antenne au studio? Eh ben, à vous le studio. Ah oui, non mais, ah oui, parce qu'on est hors des studios. Et oui, on n'est pas au studio aujourd'hui, on est hors studio. On est hors studio aujourd'hui. On est au camping. Oui, alors, à vous la régie à Étampes. On revient dans quelques instants. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Ambiance radio nostalgie un petit peu. Moi on m'avait dit radio plus, mais non. Parce que vous avez passé de vieilles chansons. Pour le plus, c'est après l'émission. Ça, ça veut dire plus de tout. Alors tout à l'heure, donc Fred nous a passé donc des extraits. Oui. De chansons des Beatles. Chanté par des chanteurs français en français. On n'a pas tout trouvé. Alors, visiblement vous avez bien travaillé quand même parce que GG et Bob en ont trouvé pas mal. Ouais. Oui. Et ben écoute. On va peut-être écouter la décomposition et puis au fur et à mesure. Alors il y en a un qui est introuvable. C'est juste parce que c'est très très drôle. Quel numéro? Le numéro 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième. Je vais vous donner avant un petit indice. Il est introuvable. Bon. Une fois que je vous aurais dit qui c'était, si vous réécoutez bien la chanson, vous le reconnaissez, mais sinon c'est introuvable. Et il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il est à la retraite. Hein, j'en ai trouvé un moi en 5. Hein. Ah ouais, moi aussi. Tu m'as dit qui c'était? Oui. C'était, moi j'ai dit que c'était Franck Alamo. Oui, non, c'est pas Franck Alamo. Bon, alors Fred, on écoute peut-être. On y va. Allez, c'est parti. Allez. Ah. Alors on écoute Fred. Là, vous avez trouvé. Nous avions. Oui, c'est tous les compagnons. Les compagnons. Ouais. Et les compagnons de la chanson. Facile, j'avais trouvé tout. Quand un jour, ils sont tous morts, je crois, non? Heureusement. Non, Fred Mella, il est pas mort. Non, il y a longtemps. Je crois qu'il est mort, hein. Si je peux faire quelque Claude François. Claude François. Facile. C'est ce que je trouvais. Alors, alors après, Bob, tu m'as dit les chaussettes noires. Les chaussettes noires. Et non, c'est les autres. Ah, c'est Dick Rivers. C'est les chats sauvages. C'est Dick Rivers, c'est les chats sauvages. Son amour va jamais. Pas né, hein. C'est pas Franck Alamo là. Non, c'est Dick Rivers. On vient de dire Dick Rivers sur les coups de poste. Alors après, après c'est Stone. Il paraît qu'elle s'améliore. Moi je crois que c'était Sylvie Vartan aussi. Non, c'est Gérard qui a trouvé, c'est Stone. Oh. Ah bah je pensais pas. Alors écoutez bien celui d'après. On la reconnaît pas. L'air très fatigué, les traits tirés, mal habillé. Que je coupe avant non, ou après, après lui, non, après lui. Nous étions copains, mais pour nous deux, tout a changé du jour au lendemain. Pascal quoi ? Mais j'avais trouvé Danel. Franck Alamo, non, a priori. C'est pas un ça. Type qui a fait beaucoup de chansons. Noël Deschamps. Il a fait quelques disques à l'époque. Ouais. Il est à la retraite maintenant, mais il est plus connu comme animateur de radio. Et à l'époque, il se faisait appeler François Fabrice. Alors là, j'en ai jamais entendu parler. Non, le bah, vous le connaissez sous le nom de Fabrice. L'animateur de RTL. Ah oui, Fabrice. C'est Fabrice. Voilà. Ah, oui, à l'époque, il avait quel âge là ? Bah, il avait une vingtaine d'années. Ah, gamine, hein. François Fabrice. Alors après, vous connaissez Philippe, j'espère que tu l'as reconnu quand même. Marcel Amont. Quand ça les prend, Marcel Amont. Les garçons s'en foutent. Après. C'est après Fabrice. Là, c'est Marcel là. Amont. Marcel Amont, bien sûr. Ah oui, c'est Marcel. Pas trouvé Marcel Amont. Non. Non, moi non plus. Bon, ça, après, tout le monde l'a reconnu. Richard. Richard Anthony. Et après, si vous pouvez écouter en entier la chanson, c'est à mourir de rire. Le sous-marin vert. Le sous-marin vert. Par Maurice Chevalier. C'était pas jaune à l'époque ? En anglais, il est jaune. Ouais. Oui, en anglais, il est jaune. Maurice Chevalier. C'est ça ? Quand on verre, vous pouvez retrouver toutes ces chansons dans une compile qui s'appelle une compile en 3 CD. Parce que les Beatles ont été beaucoup repris en français, ça s'appelle La France et les Beatles. Merci. D'accord. Frédéric Lascar. Bravo, bravo. Ah oui. Jeu sympathique. Bien. Ah non, vraiment, là, on a appris plein de choses. Enfin, oui, les Anglais sont fous quand même, parce que je sais pas si vous avez vu la compil, ils ont sorti là, Beatles. Ouais, les Beatles masterisés, etc. Oui. En fin de compte, sont derrière Susan Boyle en pré-vente de son album, en fait. Ben. C'est un, les Anglais sont fous. Bon, je pense que nos auditeurs vont attendre une deuxième tournée de blagues. Parce que tout à l'heure, elle a été quand même assez courte. Donc voici, lancée et initiée par Maurice, la deuxième tournée de blagues. Combien mesure la moitié d'un tout ? La réponse est de 3 mètres. Pourquoi ? Oh là ! Pourquoi ? Parce que tout le tout est de 6 mètres. Parce que le tout est de 6 mètres. Ah, et le tout est de 6 mètres. Parce que tout le tout est de 6 mètres. Le tout au tout, quoi. Oh là là là. Et encore une blague foirée. Maurice, tu me fais plaisir, tu la recommences. Ah non. Si. Non. Le tout est de 6 mètres. Non. Cette saison, tu racontes les blagues correctement pour le montage. Attends, on va se la faire normalement. Alors Maurice, une blague. Non, ça sera une devinette. On aime bien les devinettes. Tu comprends pourquoi je suis le souffre-douleur, moi, tu vois. Toi. Et pourquoi tu... Alors, parce que tu racontes quand même une devinette. Hein. Enfin, c'est toi qui as la douleur, mais c'est nous qui souffrons. Hein. Combien mesure la moitié d'un tout ? 4 mètres. La réponse est de 3. Pourquoi ? Parce que le tout est de 6 mètres. Bravo ! Oh, ah ouais. Oh, excellent. Ah bah, elle est très drôle, en plus. Tu vois, quand tu veux. Alors. Oui, vite, passons à autre chose. Ma femme s'assied sous le sofa près de moi et je zappe. Oh, avec la télécommande. Oui, bah oui, demande, pas avec ton pied. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Je réponds, de la poussière. Oui. C'est là que la dispute a commencé. Ah oui. Qu'ont les femmes une fois par mois et qui dure 3 à 4 jours ? Leurs règles. Non. Oh, tout de suite. Leur belle-mère, si, aussi. Leur mère, non. Non. Comment ? Le mal de tête. Non. La paye de leur mari. Ah oui. Hey, c'est tellement vrai. Mais tu veux que je te dise, tu veux que je te dise, t'es aigri. Oui, bah, oui, peut-être, peut-être, monsieur, peut-être. Alors, dans le même état d'esprit, qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne ? Une femme. Un demi-chien. Elle avait prévenu la qu'elle se lâcherait. La aussi, celle-ci. Ouais. Oui, et Maurice fait la gueule parce que c'était une de ses blagues. Ça, pas du tout. C'est alors, Maurice qui raconte ça. Moi, je vais vous faire une imitation. Ah. Oh, eh ben, ça va changer. Alors, une histoire. Quel est le comble Maurice. Ah, bravo. Quel est le comble pour un carillonneur? C'est de se faire sonner les cloches. Oh. C'est vrai qu'on a dit des blagues, on n'a pas dit des blagues drôles. Hein. C'est vrai. Non, mais là, c'est l'imitation qui va. Ah, d'accord, ok. Alors, Léger. Comment reconnaît-on un sumotori d'une lesbienne? Attends, déjà, il faut mettre l'image en tête. Le sumotori. Le sumotori. C'est celui qui est large du bas. Voilà. Par rapport. Hop, tu me regardes encore une fois, je te connais. Et une goudou. 120 kilos? Non. T'as pas d'idée. Non. Personne n'a d'idée. Non. Non. Le sumotori, c'est celui qui a les jambes épilées. Au secours. Au secours. Moi, j'aime bien ces blagues pas misogynes. Pas du alors, tout. Mais c'est pas misogyne. Dans quelques instants, nous allons avoir un nouveau jeu. Ah. Qu'on n'a jamais fait sur cette antenne. Chiche. C'est pas vrai. Alors là, chiche. Oui. Eh bien oui, un nouveau jeu intitulé L'attaché de presse. On revient avec Christine Béroux dans quelques instants. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Pendant deux heures. Antenne. On va se marrer, retour. Ça a fermé la place des oiseaux. Ah, c'est bien générique. Hein. Ça a fermé le sponsor qu'on avait ou ils ont fini par écouter l'émission? Mais c'est l'hiver. Ah, mais ils ont fini par écouter l'émission peut-être aussi. C'est ça. C'est ça. Ça vous rappelle oui. Rien? Oui. Hein, ça, nous, on avait la base comme sponsor et les autres avaient Intercave. Oui, mais quels autres? Il valait mieux pas qu'on ait Intercave. Mais quels autres, Maurice? Bah, visiblement, ça n'a pas gêné Maurice, il y est allé, Intercave. Oui, parce que j'ai laissé la base. Alors, c'est, je vous avais proposé, je vous ai promis un nouveau jeu. Oui. Et il paraît que c'est un nouveau jeu qui est de Philippe, parce que Philippe Bénaud, d'habitude, fait des jeux écologiquement corrects. Oui. Oui. Qui sont recyclés. Recyclés. Alors, oui. Pour ce nouveau jeu, je vous distribue chacun un petit papier vierge. Ah, et je vais vous demander d'avoir la vraiment que le papier qui est vierge. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Allez. Et je vais vous demander d'écrire sur ce papier, mais sans le faire voir à vos voisins, d'écrire le nom d'une personnalité. Ah. Alors, c'est la personnalité que vous voulez, un homme politique, un comédien, un chanteur. Quelqu'un qui a existé. Ah oui, ou, qui a existé ou qui existe. Ou qui existe quelqu'un encore. De connu. Voilà, une personnalité. Une fois que vous avez, voilà, que vous avez. Si quelqu'un peut me donner un crayon. Voilà, une fois que vous avez écrit ce nom, vous repliez votre papier. Voilà, très discrètement, et vous me le rendez. Voilà. Et donc, ce jeu de l'attaché de presse, c'est un jeu très simple. Je sais pas comment ça s'écrit, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas un problème. Moi aussi, je l'ai mal écrit. Voilà. J'espère que vous avez choisi des personnalités intéressantes. Alors, ce jeu de l'attaché de presse est très simple. Celui de Manu, faites passer. Voilà. Très, très simple, puisque nous allons tester vos talents d'attaché de presse. Ah, allez. Et vous allez devoir, en une minute... Jusqu'à là, le jeu, je le connais pas. Voilà. Ah non, il était non, original. Non, ça a l'air d'être une idée. Pour l'instant, c'est nouveau. Mais j'attendais que le dernier mot arrive pour pas, quand même, pour qu'il y ait une surprise. Voilà. Ah. Donc, vous allez donc devoir, en une minute, vous faire l'attaché de presse. Mais non pas de la vedette que vous avez choisie, mais peut-être de celle que votre petit collègue a choisie. Ah, ah. C'est ça qui est plus drôle. Ah oui. Voilà. Et donc on jugera si en une minute vous avez été un bon attaché de presse, si vous l'avez bien vendu ça, sur son actualité. Faut dire du bien. Tout ah ça. Oui, il faut bien. Ouais, quelle horreur. Donc pour que vous puissiez constater que quelqu'un peut dire du bien de quelqu'un, Nous avons le premier attaché de presse. Nous avons Gégé. Ah, c'est moi. Ah, bah écoute, c'est une créature que tout le monde connaît ici. Oui. Qui aurait pu... Qui trouve en général des filles très jolies mais pas forcément très intelligentes, qui aurait pu défiler pour des chapeaux, qui n'a pas la langue dans sa poche non plus, en tout cas qui fait c'est rire. Une femme, c'est une femme qui vit toujours. Ah, d'accord. Faut attendre la minute. Ah non, pas du tout, dès que vous l'avez trouvé. Bravo Christine. C'était peut-être sa personnalité. Là, je sais pas. Ah non, non. On sait pas. Non. Bon, alors maintenant, vous avez compris le principe. Maurice. J'ai tout compris. Voilà, c'est très simple. Allez, prends un... Donc ça fait un point pour nous, quand même. Voilà, un point pour l'équipe des Warriors. Ah, parce que c'est... On joue en plus. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah sûr. Attends, tu crois quoi, toi? C'est la guerre. Ah. Maurice, attaché de presse de Maurice. Cache ta joie. Rocco Siffredi. Exactement. C'est vrai? C'est vrai. C'est pas vrai. Non, c'est non, vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. C'est vrai. Bravo. Fred a fait un attaché de presse. Ah, ce Maurice, il est vraiment. Moi, c'était l'autre, c'est Geneviève de Fontenay que j'avais écrit. T'es de Maurice. Tu es devant. Tu es devant. Ah non, mais ça. Alors, donc tu peux quand même en parler quelques secondes. Oui, que si tu peux lui faire un petit exposé. Très bon acteur. De merveilleux films. Avec un bel instrument. Avec une belle longueur. Un pour Fred. Je lui ai coupé la chine. Une belle longueur. Donc ça fait bien. Deux points pour les Warriors. Ah oui. Et oui. Et zéro pour les retraités. Enfin là, sauf, là franchement, ça a été. Nouvel attaché de presse, Frédéric Coster. C'est un garçon qui a eu un destin assez particulier parce que il a été obligé de changer de métier. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt un métier artistique qu'il voulait faire puisqu'il s'est essayé à la peinture. Il aurait eu... Adolf Hitler. C'est pas fait, ça. Mais on n'a pas le droit de dire quand c'est le sien. Bah, sinon, je l'aurais dit Rocco, moi, sinon. Trois points. Ah ben non, on est mal, bah, du oui, on est mal. Allez, Bob. Mais... Alors, nouvel attaché de presse, Bob du club. Eh bien, c'est un garçon. Oui. Oui. Hein. Merci. Madonna. Amanda Lear. Amanda Lear. qui était prévu pour un tout autre métier. Jospin. Et qui a fait un métier vraiment... auprès des gens, vraiment très proche. Nicolas Hulot. Très Abbé proche Pierre. Des gens. Mère Teresa, non, c'est un garçon. Oui, on est, oui, c'est un garçon. Très près des gens. Très, très près. Il a été se baigner dans le lac de Tibériade avec ses petits copains. Jésus. Jésus. Oh j'ai pas lu la Bible. Alors, là, c'est le mot pour Christine Béroux. Hein. Attention. Nous en sommes à combien là? J'arrive. 4. Bah 4 à 0. 4 à 0. Ah, oui. Comment ça 4 à 0? Bah 0, on a il reste deux mots. Ah oui, on a trouvé les 4 mots? Bah je crois, oui. Ah, vas-y, Christine. Alors, c'est un homme, probablement un des plus grands humoristes de tous les temps. Coluche. Nicolas Sarkozy. Non, c'est un humoriste très engagé comme on n'en fait plus. César. Aujourd'hui, à mon avis, il aurait été un petit peu plus controversé. Mais... Pierre Desproges. Oui, Pierre Desproges. On déclare forfait. Ah bah c'est le dernier quand même. Alors, 5 à 0 pour les Warriors. Oh là, vous êtes nuls. Hein. Et il va falloir que vous rattrapiez le coup, Maurice. Oui. On ne peut pas finir à 0 quand même. Mais non. Il fait longtemps qu'il n'a pas rattrapé un coup, Maurice. Alors, c'est un homme. Ah. Vous me regardez, les garçons, là. Non, arrête de boire. Il faut rattraper le coup, là. Oui. C'est donc un homme. Oui. Son surnom à une époque a été Yo-Yo. Lionel Jospin. Ah, moi j'ai dit le prénom. Hein. Mais on leur laisse le point. Ouais, allez, bah oui, on a perdu de toute façon. On va pas les laisser, Fanny. Allez, un point pour les losers. 5-1. C'est une question, parce que ça, on peut être accusé de n'avoir posé aucune question dans la soirée. Intérêt à poser des questions. Hein. Voilà. Question d'histoire. Alors, quelle excellente comédienne. Christine Béroux. Jacqueline Maillan. Sera l'héroïne du prochain film de Claude Berry. C'est un film qui avait donc été initié. Il a pas fini. Par Claude Berri. Voilà, exactement. Et qui en fait sera réalisé par Bruno Aveillan. Bon. Que l'on connaît tous. Une voilà. Jeune, une vieille. Une jeune. Enfin, jeune, oui. Elle est. Fanny Ardant. Non. Non, une jeune. Elle a dit. Depardieu, elle, non. Une comédienne. Est-ce que c'est une vraie comédienne? Gérard Depardieu, alors, c'est pas Gérard. Hein. Est-ce que c'est une vraie comédienne? Oui. Honnêtement, moi, je pense que non. Une femme qui a fait beaucoup de films? Aucun. Aucun. Loana. Une pouf qui a tourné dans les téléréalités, là, qu'on voit sur la 1, qui sont à Gerbet, d'ailleurs. Française? Elle est plutôt française. Journaliste? Non. Femme politique? Non. Française? Oui. Chanteuse? Oui. On connaît son nom. Jeanne Masse. Vartin? Vanessa Paradis. Jeune, c'est plus très jeune. Ah oui, non, c'est plus très jeune. Jeune Mylène Farmer. Jeune noire. À part qu'elle veut pas passer chez les Arabes. Oui. Maurice, tu proposes quoi? Mylène Farmer, non? Ah, oui. Jeune, on a dit. Bonne réponse de Maurice. Ah, allez, la Mylène, elle est plus si jeune que ça quand même. Mais c'est d'actualité en fait. Le film sera tourné en 2010. Je suis libertine. Ah mais je vois oui. Je suis une putain. Ah mais non, c'est ça les paroles, je crois. Oui, en fait catin, c'est pareil. C'est catin. Oh. Donc, je chante Mylène Farmer. Luc Besson sera le producteur de ce film. Qui ça? Luc Besson. Ah, ça va être un bon film alors. Elle jouera le rôle d'une chercheuse en médecine. Au 19e siècle. Oh là là. Qui sera témoin de phénomènes étranges. Ah oui, lors d'un séjour en Angleterre. Qui réalise ça? T'as vu tout le maquillage qu'elle a, et les fossiles et la perruque. Ah, oui, pareil. Hein. Son maquillage est sponsorisé par les ciments Lafarge. Moi, le non, septembre, il y a mes amis qui sont. J'aurais offert Mylène Farmer parce que j'ai des copains qui adorent. Oh putain, ça a dû coûter cher. Ouais. Alors, Gérard, je pense que tu aurais dépensé beaucoup moins d'argent et que tes amis auraient passé une meilleure soirée en réservant leur place pour le spectacle de Christine Bérou. Oui. Parce que d'abord, c'est beaucoup moins cher que Mylène Farmer. Et on l'aurait mieux vu. On la voit de plus près. Oui. Et on l'entend. Et on passe quand même une meilleure soirée. L'entend. Mais le problème, c'est que Christine Bérou, elle ne porte pas de fossiles. Et mes amis, ils aiment bien les fossiles. Ah bah, mais s'il y a que ça. S'ils aiment bien ils aiment bien les fossiles, faut aller voir le spectacle de Maurice. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Oh si, elle est bonne. Ah ouais. J'ai oublié de dire que Maurice était actuellement en tournée au Père Lachaise. Il est en repérage. Oui, je cherche les chrysanthèmes. Bon allez, puisque c'est comme ça, on revient dans quelques instants. Et pour que Gégé regrette d'avoir offert des places de Mylène Farmer et non pas des places... Mais moi, je ne regrette pas les cadeaux que je fais. Voilà. Non, mais pour te donner envie peut-être d'offrir des places pour Christine Bérou, peut-être qu'on va acheter la salle. Peut-être que Christine, pour te faire plaisir, nous fera un petit extrait, un deuxième extrait dans quelques instants. Restez avec nous. Antenne, 2 secondes. On va se marrer. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. On va se marrer pour quelques minutes encore, comme tous les mercredis 20h-22h et le dimanche matin, entre 10h à midi le dimanche. Et ce soir, ah oui. Mais attendez, pour une fois qu'on a un générique original, quand même. Ça oui, on est très content. Dans notre émission, notre invitée vedette, Christine Bérou. Excellent. L'excellent Christine Bérou. Merci pour votre accueil. Alors, il va se présenter aux élections 2012 à la place de son père. Mais c'est pas son père, c'est pas dit que ça s'écrit pas pareil. J'ai pas suivi le film. Contente, c'était ma famille, ça fera du buzz. D'abord, l'autre, ça se dit pas Bérou, ça se dit Bayrou. Bayrou. C'est un nom du sud-ouest. Et là, ça se dit Bayrou, puis c'est un E. Oui, alors, moi, je vous propose de faire comme si on était un dimanche soir. Oui. Ah ben, on va se coucher. Alors. Au théâtre. Ah non, pardon. Ah ben non, le dimanche soir, t'as ton émission, toi. Tu vas te coucher le dimanche soir, toi. Ah non, c'est vrai, oui. Ton excellente émission. Oui. Solid Gold. Merci. On n'en parle pas assez. Ça s'appelle toujours pareil. Toujours. C'est la 8e saison cette année. Saison 8. Et est-ce que depuis le début, est-ce que depuis que tu as commencé, tu as eu des décès? De chanteurs qui passent dans l'émission, oui. John est morte. Je passe que des chanteurs qui morts. John. Dion. Qui c'est John, Bob? Bah John Warwick. Non, parce qu'il faut dire que Frédéric est un des fans mondiaux. Non, et le fan. Non, on est deux. Et le fan mondial de John Warwick. Ah, j'aurais pas dit ça parce que dans la... il est venu me chercher tout à l'heure au RER et dans la voiture on a écouté Whitney Houston. Ah bah c'est sa cousine. Ah, okay. C'est la même famille. Alors, je vous propose donc de faire comme si on était le vendredi soir. Non, dimanche. Oui, le dimanche soir. Un très beau théâtre, Fred. Ah, le Pranzo, c'est extra. C'est un cabaret, en fait, plus qu'un théâtre. Tout à fait. Et si je peux me permettre, en fait, en bas, il y a un très beau restaurant et en haut, il y a le théâtre. Avec des très bonnes pizzas. Absolument, de très belles spécialités, notamment la pizza au Nutella. Et je ne joue pas seulement mon spectacle là-bas, j'organise aussi des soirées dites échangistes. Alors, calmez-vous. Oui, en fait, c'est un bordel, ton truc. Mais c'est quoi l'adresse? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, comme il y a des plateaux d'humour au Pranzo, il y a beaucoup d'habitudes, des humoristes qui viennent jouer des extraits de leur spectacle, et lors de ces soirées échangistes, ils échangent leurs textes. Donc, on peut voir des humoristes. Leur sexe? Leur texte. Fred, tu viens quand tu veux. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est les meilleurs qui vont à ces soirées échangistes. J'ai donc jamais été invité. Mais tu peux pas être invité le dimanche soir dans ton émission en direct Solid Ball. Oh, c'est pas à toi que je vais apprendre comment on enregistre et multidiffuse des choses. C'est trop. C'est pas bête comme idée. Alors, nous sommes dimanche soir. Comment ton émission Solid God? Solid Goal. Solid Goal. Rappelle-toi dans tes souvenirs. Il y a longtemps. On a les deux, oui. Deux goals. J'ai pas arrivé à faire mon lancement. Moi. Ça va, donc, nous sommes dimanche et soir. Ah oui. Ah, on est dimanche soir. Voilà. Mais tu viens quand tu veux, Fred. Au théâtre. Au Pranzo. Pranzo. Pranzo. Comment j'ai dit? Pranzo. Donc nous sommes au Pranzo. Et on ovationne. Et on y va comment là-bas? Qui va nous faire un sketch? Vous êtes gentils. C'est boulevard, bonne nouvelle. Ta gueule, Maurice. Ta gueule tout en camon. Bien. Alors bon, vous savez ce qu'on dit sur le monde du spectacle, c'est que soi-disant c'est facile pour pécho, mais ça c'est faux parce que je suis actuellement célibataire. Mais c'est pas tellement grave parce que vous savez, moi j'ai un cœur d'artichaut, donc ça se brise pas. Hein, mais plus on les feuille, plus ils prennent la place. Et les garçons que je rencontre n'ont jamais de très grandes assiettes. Vous savez, une relation amoureuse, eh oui, une relation amoureuse, c'est un petit peu comme un arbre. Au début, c'est un tout petit arbuste fragile, il faut jamais le bousculer parce que sinon il s'épanouira jamais. Mais moi, mon problème, c'est que sur l'arbuste, j'ai tout de suite tendance à vouloir mettre des guirlandes. Et puis après, je mets une balançoire. Et puis après, je mets une cabane. Donc là, ce qui se passe en général, c'est que mon arbuste prend peur. Et quand il s'enfuit sur ses petites racines, eh ben ma solution à moi, c'est d'envoyer une cavalerie de koalas pour s'accrocher aux branches, comme ça. Là, ce qui se passe, c'est que mon arbuste ne m'appelle plus. Il m'envoie plus de SMS, rien. Les arbres, c'est tous des connards. Non. En même temps, moi, j'ai un avantage sur vous parce qu'en fait, il paraît que 30% des gens rencontrent leur partenaire sur leur lieu de travail. Alors, je sais pas si ici, il y en a qui ont rencontré leur partenaire sur leur lieu de travail. Non, on les fuit, nous. Bien. Et donc, en fait, moi, j'ai l'avantage de rencontrer des connards. Non. Drôles! Hein, parce que je suis humoriste. Et l'avantage du connard drôle, c'est que... Et oui, l'avantage du connard drôle, Manu, c'est que quand il te largue, après, ça te fait des vannes. Hein. Bah oui, une fois, il y en a un qui m'a dit, ouais, faut que je te laisse parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Sauf qu'on n'était pas au téléphone. Alors avec celui-là, ça s'est très très mal terminé. J'ai fini par lui dire, ouais, de toute façon, t'es qu'un mégalomane. Alors il a réfléchi longtemps et il a dit, mégalomane, ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup la musique. Non, mais moi, de toute façon, j'ai toujours le même problème. Quand je sors avec un garçon, c'est toujours pareil. On sait jamais trop qui se tape qui. Mais c'est toujours moi qui me fais baiser. Je sais pas, les garçons, vous connaissez un petit peu les comédies romantiques? Ah oui. Oh. Ah oui, on sent quand même que vous êtes pas trop hétéro. Hein. Parce que genre, les garçons, les comédies romantiques, bon, alors j'explique pour nos auditeurs, hein, hétéros. Alors, la comédie romantique est un monde merveilleux où quand une fille aime un garçon, c'est toujours réciproque. Ah, c'est ça? Eh oui. Alors bon, vous avez dû vous en rendre compte comme moi, hein. La vie n'est pas une comédie romantique. Tenez, allez frapper à la porte d'un garçon que vous connaissez depuis 3 jours pour lui dire que vous l'aimez. pourquoi pas, hein. Bah pour lui, ce sera pas Thelma et Louise ou quand Harry rencontre Sally. Pour lui, ce sera Psychose. Adrien, écoute-moi bien, Adrien. Le fait que j'ai attendu que tu sois sous et qu'on soit seul pour te bloquer le visage et t'embrasser ne fait pas de moi une fille facile. Non, non. Non, tu n'auras pas trois fois la chance de m'avoir, tu sais. Non, de toute façon, l'héroïne de comédie romantique, elle a pas besoin de faire ça. Elle a pas besoin d'aller frapper à la porte du mec qu'elle aime en secret parce qu'elle le croise dans la rue, toujours, complètement par hasard. Ça se dit, moi, ça m'arrive. Non, mais c'est vrai, quand je me maquille pas et que je m'habille comme un sac, à tous les coups, je le croise, le mec. Et vous savez, dans les comédies romantiques, quand ils font l'amour, c'est toujours super sensuel, super érotique, alors que tout le monde le sait que 70% des femmes préfèrent la levrette. Non, mais ce qui est bien avec mon chaos sentimental, c'est que comme je suis humoriste, ça me permet de relativiser, hein. Et en fait, moi, j'ai longtemps hésité avant de devenir humoriste. Et finalement, c'est vrai que je voulais un métier qui me permette d'être toujours complètement à côté de la plaque. Enfin, il y avait aussi vulcanologue, mais c'est pas tellement pareil. Et puis, c'est un rapport quand même. Alors, je voulais un métier extraordinaire qui sorte du commun. Alors forcément, il y avait humoriste et il y avait super-héros. Mais pour être un super-héros, il faut remplir plusieurs conditions. Alors déjà, avoir un côté sombre. Bon, en même temps, moi, j'ai mes parents. Et puis, il faut choisir un animal pour se représenter. Vous savez, Batman, c'est la chauve-souris. Spider-Man, c'est l'araignée. Toi, Frédéric, c'est quoi ? Moi, c'est... Non, c'est assez... C'est un gros cafard. Non, moi, c'est l'orque. Ah, c'est oui. L'orque, d'accord. Ah oui, c'est je demande toujours à quelqu'un de mon public, et quand on me répond un cheval, par exemple, je suis assez cliente. Après, j'ai tendance à demander le numéro de portable. Tout ça. Donc, l'araignée, ça a été pris. La chauve-souris, ça a été pris. L'orque, ça a été pris. Et moi, j'ai choisi le koala, parce que je suis une fille qui s'accroche. Au mec, aux illusions, aux porte-manteaux. Ensuite, il me faut un super pouvoir. Alors, moi, j'aime bien être drôle. Je pourrais essayer de faire mourir de rire les gens. Mais vraiment qu'ils crèvent, hein. Attendez, j'ai pas fini. Parce qu'après, l'autre il lance son jingle, tu veux que je m'arrête, c'est ça ? Pas du tout. Ok, d'accord. Alors, pour être un super-héros, il faut aussi un super costume, on est d'accord. Ah bon, oui. Là on est à la radio, donc vous pouvez pas voir, mais je le porte en ce moment même sur moi, hein. Alors, j'ai un... Ce que je porte, c'est pas un collant pare-balles, c'est un slim par H&M. mon t-shirt, vous pouvez tirer dessus tant que vous voulez. Il se déchirera, comme tout ce que fabriquent les très jeunes enfants. Mais il a quand même le mérite de cacher ce qui pourrait être considéré comme le résultat évident d'un abus d'aliments gras. Ensuite, avec mon super costume, il me faut un masque. Alors ça, c'est pas n'importe quoi, je me suis bien renseignée. Hein, parce que sur les peaux grasses, comme moi, on met plutôt des masques en argile. Hein. C'est un argile, les masques. Mmh. Bon, là. Ok. Non, mais je l'ai échappé mal parce que sur les peaux sèches, on met du concombre. Alors, je veux bien un koala avec du. Un koala, c'est chic, mais un koala avec du concombre sur la gueule. Bien. Ensuite, il me faut une double identité. Quoi, j'ai raté ma blague du masque. Mais non. Dans le spectacle, c'est drôle, hein. Moi, j'ai pas fini. Alors, ensuite, il me faut une double identité. Alors, c'est facile parce que moi, je suis comédienne, donc je pourrais être Antigone, Phèdre, Bob l'éponge. Merci. Après, je peux prendre la Wii. Mais j'adore Bob l'éponge, moi. Merci aussi. Bon, après, je peux prendre les trois. Mais ça s'appelle la schizophrénie. Et c'est le super pouvoir de ma mère. Cette fois, j'ai fini. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. La suite. Merci. Et d'autres encore. Oui. Donc, j'arrive pas à le prononcer. Pranzo. À Paris. Et vous pouvez aussi me voir le lundi soir au Changement Comedy Club parce que Françoise Deldic m'a appelé tout à l'heure et je lui ai dit je fais une émission de radio. Elle me fait tu le dis pour le Changement Comedy Club. Donc, au café de Paris, tous les lundis soirs, tu y es aussi de temps en temps. Mais j'y vais à la fin du mois. Une chose le Changement Comedy Club. Yes. C'est le lundi et le mardi. Oui. À 20h30. À 20h30. Au café de Paris. C'est en haut de la rue Oberkampf, métro Ménilmontant. Bravo. Oui. Merci Fred. Il y a plein d'humoristes de talent. Eh bien, je pense qu'il va être temps de rendre l'antenne. Déjà. Alors, une chose très importante qu'il faut noter, c'est le retour à la fin du mois sur scène de notre ami Frédéric ici présent. Oh, comme c'est gentil. Frédéric Coster qui reprend son spectacle. C'est le temps de venir te voir. À partir du 25 septembre, le vendredi et le samedi à 19h30 au Comic Hall. C'est au 8 rue Pradier dans le 19e. Comic Hall. Allez le voir, allez l'encourager. Simplement pour dire que Frédéric, bien sûr, vous le retrouvez aussi sur internet. Son mail extraordinaire. MySpace. MySpace.com, Frédéric Coster. Coster avec un K. C'est sur Facebook également. Oui, je suis sur Facebook. Venez, j'accepte tout le monde comme ami. J'ai pas d'amis. Oh, ouais. Venez. Coster avec un K comme le général. Merci à Fred Coster. Merci Fred. On va remercier également Gérard, son voisin. Merci Gégé. Merci à Manu de sa participation. De rien. Merci à Bob du club et pour ses aquariums. Merci à Maurice. Et je vous remercie à vous de m'avoir reçu. Régis a appelé pendant l'émission. Bon. Voilà. Et donc, alors, Il t'emmerde. Voilà, il te fait la fréquence de EFM. Oui. 89.2. Voilà. Tu peux l'écouter. Voilà. Tu peux écouter. Et surtout, on remercie notre invité ce soir. Christine Béroux. Ouais. Merci à vous de votre présence. On viendra voir le site internet pour toutes les infos sur notre invitée Christine Béroux. ChristineBéroux.com. Merci encore Christine, on espère te revoir bientôt dans l'émission. Bah, j'espère, je vous ai mangé quand même deux paquets de chips. Bah oui, bah ça c'est Fred qui va gueuler ça. La facture t'attend à la sortie. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même punition et en rediff dimanche 10h midi si nous sommes dimanche. Bon week-end, à mercredi. Ouais. Au revoir. Bon allez, on va bouffer, on arrive trop.